Mickaël à la radio, le replay. On va parler de série maintenant. Je sais pas si vous avez vu ça sur internet, mais moi je suis tombé dessus plusieurs fois. C'est une nouvelle mini-série qui fait un carton sur internet, sur Facebook, Twitter, tout le bordel. Ça s'appelle Bref. Ouais, attends, t'entends mal. Oui. Pardon, ouais, c'est la nouvelle série de Canal en fait. C'est, ouais, c'est sur Canal Plus. Ouais, sur Canal Plus. Donc si vous avez le satellite, c'est diffusé en clair, je crois. Donc vous pouvez voir ça comme ça. Oh, mais... sur le site de Canal Plus aussi. Oui, ouais, sur le site de Canal Plus, effectivement. Ouais. Et donc du coup, j'arrête pas de voir passer des épisodes en fait sur Facebook. Donc c'est bien pour ceux qui n'ont pas forcément. Franchement, faut dire que c'est quand même énorme enfin, chaque fois les très, vannes qu'il y a dedans réalisé. Et tout, c'est super bien réalisé, c'est bien foutu. Et le concept, ouais, c'est que le mec dit toujours bref. Voilà. Voilà. C'est très court. J'ai aussi eu un plan surtout. Cul. Ouais, bref, j'ai eu un plan cul. C'est toujours des trucs qui pourraient vous arriver, ouais, ou qui vous arrivent en temps normal. Et donc, du coup, bah, y a plein de gens qui essayent de faire la même chose avec plus ou moins de succès. Mais là, j'ai trouvé la version antillaise de bref. Tiens, hey, ça vient de chez vous, ça, Doudou, hein? Ah oui, ça vient de chez moi. Je crois que c'est mon cousin, il l'a fait. Ça s'appelle bref. Oui, c'est ça, bref. Bah, c'est bref, écoutez bien. Bref, aujourd'hui je travaille dur. Le téléphone sonne, je fais semblant de ne pas entendre. Il continue de sonner, je tourne la tête, il sonne encore. J'exprime mon mécontentement. Je me décide de me lever. Et je dis haut et fort que j'aimerais bien pouvoir gifler celui qui m'appelle. Je vais pour décrocher. Et là je me dis, kounya mamao. Je vois qu'il est déjà très tard, je suis content. Car je peux enfin lui dire. Les bureaux sont ouverts de 13h à 16h, monsieur. En dehors de ces horaires, je ne suis pas habilité à vous répondre. Merci. Bref, je travaille à la poste. Eh oui, c'est beau, là. C'est beau le travail postier. Voilà. À la poste aux Antilles. Parce que déjà qu'on se plaint de la poste de chez nous, mais la poste dans les Antilles, dans les Caraïbes, je peux vous dire que c'est pas toujours facile. Hein. Ouais, mais c'est ça, mais c'était pas obligé de faire ça aux Antilles. Hein. Chez Bipost, ça marchait aussi. Chez Bipost, ouais, mais enfin, ils travaillent un peu plus quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, parce que eux, ils ouvrent à 11h, mais bon. Ouais, voilà, c'est ça. Puis après, ils referment à 11h15. Hein. C'est normal, c'est la pause. Ah bah, mais café, hein. La pause ou la grève. Ah ouais, bah. Il faut choisir un moment, c'est l'un ou c'est l'autre. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Bon, nous avons qui avec nous pour la déclaration express? C'est Antonio. Antonio, bonjour Antonio. Buongiorno a tutti. Et buongiorno a toi aussi. Comment ça va, Antonio? Ça va bien, c'est le principal. Hein. Bon, Antonio, oui, nous allons appeler ta copine ou ton copain, je ne sais pas. Ma copine, hein. Qu'est-ce que je crois? Je crois rien, moi, il n'y a pas de problème. Bon, alors, Antonio, elle s'appelle comment ta copine? Carla. Carla, d'accord, ok, très bien. On va donc l'appeler. Non. Ah, super, c'est même pas une blague ça. On va donc l'appeler et Tom va venir nous mettre les deux personnes en même temps dans le standard, bien entendu. Et donc, il va l'appeler pour une petite déclaration express. Bah, le concept est pas très compliqué. Dès qu'elle décroche. Allô? Allô? Ah, bah, déjà là, Carla. Oui. Bonjour, Carla. Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui. Tu aimes les messieurs tout nus? Oui. Eh oh là, Antonio, reste calme, Antonio. Bon, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Et Antonio, tu connais Antonio, Carla? Oui, je vois qui c'est. C'est heureusement encore, hein. Eh bien, il avait quelque chose à te dire. Écoute bien, en chanson, c'est la déclaration express. Oh merde, ouais, non, je sais pas où on va là, mais très loin. Oh, see you. Quand je t'ai croisé, je suis devenu fou. C'était dans un bar à jambes lourdes. Je me suis dit en moi-même, oh mon Dieu, qu'elle est bonne. Puis tu m'as appelé, tu avais soif. J'ai répliqué en faisant là c'est toi qui m'as dit oh mon Dieu le gogol. Oui, effectivement, elle avait plutôt raison d'ailleurs. Oui, c'est sûr. Voilà Carla, cette petite déclaration express de Antonio pour toi. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était beau. C'est quoi tu dis? C'est très mignon, mais... Mais alors, attends. Antonio, t'es là encore? Oui, je suis là. Antonio, c'est ta copine ou t'aimerais bien que ça le devienne? Ben, j'aimerais bien que ça devienne, ah, bien sûr. On travaille ensemble, en fait. D'accord, ok. Alors, Carla, le verdict ? Bon, ben, on pourra aller boire un verre ensemble. C'est déjà ça. Rien, quoi. C'est déjà ça. En gros, elle va juste pomper un petit peu, quoi, les 15 euros pour le verre, et puis basta, quoi. Après, on verra bien. Non, bon. je le ressens, on dirait Massimo Gargia qui me parle là. Oui, c'est vraiment magnifique. Ça. Il va ouvrir la chemise, sortir les gourmettes en or, et sortir ça va bien les, se passer. Sortir les poils présente, et tout ça. Présente, hein. Il n'y a pas de problème. Bon, on va passer la bonne journée tous les deux, et tu nous tiens au courant, Carla, hein. D'accord, ça va. Merci mille à toutes. Allez, grazie mille à toi, y a pas de problème. Salut à vous, bonne journée tous les deux. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Et nous allons maintenant faire un tour du côté de la ligne anti-relou. La ligne anti-relou, c'est chaque matin sur Fun Radio les meilleurs messages qui ont été déposés sur le 0-473-86-00-13. Le concept, je le rappelle, vous retenez ce numéro par cœur. Surtout vous les filles, bien évidemment. Vous retenez le numéro de téléphone par cœur. Et du coup, quand un relou vous croise, ou que vous croisez un relou plutôt, eh bien, vous, pour vous débarrasser de lui, vous lui donnez le numéro de la ligne anti-relou. Du coup, lui va croire avoir fait la bonne affaire, l'affaire de l'année, en ayant votre numéro de téléphone, en ayant réussi facilement à avoir votre numéro de téléphone, sauf qu'en fait c'est pas le vôtre, c'est le nôtre. Il va donc appeler et laisser un message comme par exemple celui-là. Oui, bonsoir Vanessa, je m'en suis arrangé, je suis l'ami de Dorothée et de Johan. C'est Dorothée qui m'a donné ton numéro de téléphone pour que je te contacte. Je te recontacterai. Ça va? Ben, une bonne soirée et à très bientôt j'espère. Au revoir. Oh l'enfoiré, l'ami quand même qui lui a donné le numéro de téléphone de la ligne anti-relou. Regarde la meuf là, elle est intéressée partout et tout, je te file ton numéro, regarde. C'est là que tu sens les vrais amis. Ah ouais. Oui, ça serait bien ton genre, tiens, ça t'offre. Ah ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. Bah oui, évidemment. Et alors, autre message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Pourquoi il marche plus? Non, il n'a pas envie. Bah non, bah il marche plus. Pourquoi ça marche plus? C'est peut-être le méchant message. La ligne anti-relou est en panne. Ah non, bah il n'y a pas que la ligne anti-relou qui est en panne. Tout est frisé sur mon ordinateur. Tu as encore tout cassé, Mickaël. Tu ne sais décidément pas te servir d'un ordinateur. Tout est frisé, mon écran est tout blanc. Ah oui, tiens, oui, je vois effectivement j'ai le retour qui est tout blanc également. Ah bah on est bien là, on est bien ou on est pas bien? Attends, on va faire la ligne anti-relou. Ah, c'est relancé. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, ça y est. Allô, c'est Jessica, dit pseudo Lila Tigresse. Je vois que tu sonnes sur le GSM de ta sœur, je t'attends toujours. J'ai mis mon string comme un léopard, je suis à la chambre d'hôtel, j'ai assez payé chez toi, je t'attends. Bisous, mon chéri. Lèche. Oh non, quelle horreur. Chaque fois, ça me choque. Lily la tigresse, quoi. Lily la tigresse qui termine lèche, par lèche-lèche. Ah, ça, c'est bon, lèche-lèche. Oui, c'est magnifique. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Mickaël à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors, comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël à la radio. Bon, alors, retour avec notre ami Jean-Claude qui est de nouveau, avec nous. Donc, Jean-Claude qui a pris la place de Toff ce matin pour appeler des gens parce que, apparemment, la Gay Pride est en sursis puisque plus d'argent. Bah. Oui, oui, qu'est-ce qui se passe, Jean-Claude? Ah ben, je ne sais pas, j'avais un petit chat dans la gorge. Dans ma gorge. D'accord, oui. Ok. Ah ben oui, mais bon. Bon, alors du coup, on appelle maintenant pour essayer de réclamer un petit peu d'argent. Bah oui, il faut bien qu'on s'en sorte. Hein, comment je vais faire si je peux plus aller danser sur mon chat? Demandez à Julie, elle a dit qu'elle vous ferait un petit versement de 100 euros. Oh, ça c'est gentil. J'aime pas les filles, mais pour toi, je vais faire une exception. Ah, si je peux aider. Hein. Bah voilà, c'est t'as gentil. Vu, Julie, comme ça, je pourrais continuer à mettre mon string à clous. Ben voilà, tellement généreuse. Bon, alors on appelle où, Jean-Claude? Ah ben, à la buissière. La buissière, on avait appelé à B tout à l'heure, ça s'était mal passé. On appelle maintenant à la buissière, c'est parti. Ça fait un peu comme la glissière. Oui, on a compris. Allez, c'est parti. C'est gentil si vous avez compris. Ouais. Est-ce qu'on peut? Allô? Allô, bonjour? Allô? Oui. Oui, vous m'entendez? Non, parce que j'avais l'impression qu'on ne s'entendait pas. Bon, mon loulou, voilà, en fait, je t'appelle parce qu'on a des petits soucis avec la Gay Pride. Vous vous trompez de numéro. Mais non, je ne me trompe pas de numéro puisque c'est toi que j'appelle, mon chéri. Voilà, en fait, voilà, je voulais savoir si ce serait possible que tu fasses un petit don pour qu'on puisse continuer à faire la Gay Pride parce qu'on n'a pas assez de sous. Vous vous trompez de numéro. Mais non, mon chéri, je voudrais que tu me fasses un don, que tu mettes un petit peu de sous pour qu'on puisse faire notre Gay Pride cette année. Apparemment, il n'a pas très envie de t'aider. Il n'a pas l'air très ouvert. Je comprends pas pourquoi. Bah, je ne sais pas non plus. Bon, on va le rappeler, hein. Bah oui. Bon, allez, c'est parti. Vous trompez de numéro. Bah non, non. Vous trompez de numéro. Ok, d'accord. Allô, allô. Mais je sais pas ce qui s'est passé, on était en communication, on a été coupé. Vous vous trompez de numéro. Mais non. Je vous dis que si. Maintenant, mais... vous arrêtez d'appeler. Mais non, je ne me suis pas trompé. Si, visiblement, si. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Enfin, qu'est-ce qu'il est relou, lui, oui. Alors. Bon, on va le rappeler encore une fois. Ah bah oui, ils ne sont pas faits. Une petite dernière fois, on va pas non plus se faire chier là-dessus. Hein. Allez hop, c'est parti. Voilà. Comment faire chier les gens? Vous vous trompez de numéro. Mais arrêtez d'appeler. Bon, dis, tu vas arrêter de faire ton ronchon de grand matin? Écoutez, je vous dis que vous arrêtez de m'appeler. Compris? Mais attends, tu me fais un petit don et je ne t'appelle plus, on n'en parle plus. Moi, je veux... Allez vous faire voir. Ah, oui. Allez, bah, la bonne nouvelle. Hein. Qu'est-ce qu'il est mal élevé, lui, quelle alors. Quelle gentillesse ce matin, on était au taquet, là. Bah oui. Bon, très bien. Bah, Jean-Claude, vous revenez tout à l'heure, on appellera encore d'autres numéros, alors, d'accord? J'espère bien. Bah, évidemment, vous nous connaissez, il n'y a pas de problème. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio.